Salon Noir. À la croisée de l'information et de l'investigation, on lui devait déjà populisme climatique. Puis la fabrique du mensonge, il s'attaque aujourd'hui au texte fondateur de notre Occident, rien de moins. Le Salon Noir a pour habitude d'inviter chercheurs et spécialistes. Curieusement, l'invité du jour ne l'est pas, ou du moins ne le revendique pas. Et pourtant, ce qu'il nous propose aujourd'hui est une véritable enquête à la croisée de l'archéologie, de la mythologie et de l'histoire antique. Stéphane Foucard, bonjour. Bonjour. Journaliste, scientifique au Monde, Stéphane Foucard, vous n'êtes pas le premier rédacteur du Journal du Soir à venir dans le Salon Noir, puisque la pionnière du journalisme archéologique, Yvonne Rébérol, avait déjà commenté ses travaux voici bien des années. Quoi qu'il en soit, vous êtes aujourd'hui en face de moi pour évoquer l'Iliade et votre dernier ouvrage, La guerre de Troie a-t-elle eu lieu, enquête sur le mythe, à la librairie Vuibert. Avant de partir vers Troie et de retrouver Homère, je rappelle que vous avez signé de nombreux papiers dans Le Monde sur l'environnement et la climatologie. J'aimerais donc prendre quelques instants pour évoquer un sujet que vous connaissez bien. On évoque désormais notre époque géologique comme l'Anthropocène. Pensez-vous que cette période où l'homme intervient sur le climat puisse être bien plus ancienne que la révolution industrielle ? Alors déjà, dire deux mots de ce que c'est que l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est donc une ère géologique dans laquelle nous serions entrés et qui est caractérisée par le fait que les activités humaines, l'industrie, sont désormais la principale force géologique qui s'applique sur la planète. C'est-à-dire que les quantités de matière qui sont déplacées à la surface de la Terre par les activités humaines excèdent les quantités de matière qui sont déplacées par des processus naturel, que le climat de la planète est plus impacté par les activités humaines que par les processus naturels. Donc voilà, ce que c'est que l'Anthropocène, c'est l'ère de l'homme, c'est l'ère où finalement l'homme pilote en quelque sorte, pour le meilleur et pour le pire, le devenir de la planète. Alors il y a eu, dès les années 90, une théorie qui a été développée notamment par un climatologue américain qui s'appelle William Ruddiman, une théorie selon laquelle finalement l'Anthropocène n'aurait pas commencé avec la révolution thermo-industrielle du 19e siècle, mais serait bien bien antérieur et aurait même commencé au néolithique. Voilà. Donc il y a de très nombreux millénaires. Voilà, 7000 ans à peu près. Alors c'est bon, une théorie qui est très très discutée, voire très contestée. Hein. L'idée qu'il y a derrière cette théorie est la suivante, c'est de dire pour que ces fameux inventeurs de l'agriculture, hein, quand on passe comme ça du statut de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur, eh bien pour se nourrir, on est obligé de défricher, on est obligé de produire des effets sur la surface de la Terre. Et toute la question de savoir si ces effets sont suffisants pour avoir infléchi le destin climatique de la planète. Alors ça a pu être le défrichage qu'il y a pu y avoir en Europe, au Proche-Orient, hein, pour cultiver des céréales, etc. Ça a pu être aussi, et peut-être de manière plus sérieuse en quelque sorte, le début de la culture du riz en Asie. Vous savez que la culture du riz est très émettrice de méthane, que le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Et la théorie de Ruddiman, c'est de dire que finalement, cette agriculture naissante, finalement, qui a dû être pratiquée de manière assez extensive, hein, avec des rendements faibles pour nourrir une population qui n'était pas très importante, mais qui malgré tout se comptait en millions d'individus, eh bien, cette agriculture a pu infléchir la course climatique de la planète et finalement nous éviter une entrée en glaciation. C'est ça qui est très intéressant. Hein. C'est que la théorie de Ruddiman, c'est de dire le développement de l'agriculture et en particulier de la riziculture, hein, ce point est vraiment important, il y a donc plus de 6000 ans en Asie, a pu nous éviter une ère glaciaire. En tout cas, les archéologues sont bien sûr assez d'accord, et les archéologues environnementalistes, puisqu'il y en a, sont assez d'accord avec cette théorie. Et de toute manière, on sait bien que les premiers pollueurs ne datent pas d'hier. Votre livre, Le populisme climatique, était une enquête sur Claude Allègre et les climato-sceptiques. Pourquoi aujourd'hui vous penchez-vous sur un sujet vieux de 3300 ans qui ne pourrait intéresser personne ? Alors moi, il m'intéresse beaucoup. Et franchement, qui n'a pas envie de savoir si Alexandre Paris a enlevé ou non la belle Hélène à Ménélas, si Agamemnon n'a pas coalisé toute la Grèce pour aller s'attaquer à Troie. Donc voilà, c'était vraiment pour moi l'occasion de répondre à une question bête que je me pose depuis que je suis enfant, hein, depuis que je lis les adaptations qu'on fait. Vous savez, ces grands livres illustrés qu'on faisait pour les enfants dans les années 50. Le Coq d'or. Voilà, exactement. Très beau livre. Que j'ai lu et relu des dizaines de fois. Donc voilà, c'est simple. Pour répondre à une question d'enfant, qu'est-ce qui est vrai finalement là-dedans ? Et la guerre de Troie, finalement, c'est un de ces événements mythologiques sur lequel on n'arrive jamais vraiment à savoir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on croit savoir. Donc j'avais envie de faire le point, de rassembler un petit peu ce qu'on a acquis comme connaissance depuis 1870. Et puis disons-le tout de suite, dans l'Iliade, il n'y a pas la fin de la guerre de Troie. Oui, alors ça, c'est curieux d'ailleurs. Bien sûr, et c'est une idée que tout le monde a en tête, plus ou moins, hein, quand on convoque ces lointains souvenirs de l'Iliade. On a l'impression que l'Iliade raconte la totalité de la guerre de Troie, du début, hein, de l'enlèvement d'Hélène de Sparte par Alexandre Paris, jusque finalement au sac de la ville par les Achéens. Or, l'Iliade, c'est ça qui est très, très amusant, l'Iliade ne raconte que 50 jours de la guerre de Troie. 50 jours sur une guerre qui est censée avoir duré 10 ans. Donc c'est un tout petit moment de la guerre. Enfin, en revanche, on retrouve cette prise dans l'Odyssée. Et le style est d'ailleurs un peu plus léger. Oui, alors les spécialistes, il y a une grande question d'Homère, de savoir s'il a vraiment existé, qui était-il, etc. etc. Enfin, on va peut-être pas entrer dans ce détail-là, mais la plupart des spécialistes s'accordent pour dire que vraisemblablement, l'Aède qui a composé l'Iliade et celui qui a composé l'Odyssée sont vraisemblablement deux personnes différentes. Le style est assez différent. Et en effet, un événement aussi connu que l'événement, enfin ce stratagème inventé par Ulysse, le cheval de Troie, il n'en est pas fait mention, pas une ligne dans l'Iliade. C'est-à-dire que l'Iliade ne raconte rien de cet épisode qui est rappelé en quelques vers dans l'Odyssée où Ulysse, invité par le roi des Phéaciens à un banquet, demande à Laëde de lui raconter cet épisode que lui-même, dont lui-même finalement a été secrètement protagoniste. Alors Homère rédige l'Iliade durant à peu près le 8e siècle, avant notre ère bien sûr, et retrace un événement bien plus ancien. Ça en tout cas, Stéphane Foucard, on en est sûr. Oui, on en est sûr. Ce qui est à peu près certain, c'est que l'Iliade a été fixée au milieu donc du 8e siècle, comme vous le disiez. Il y a beaucoup de preuves différentes qui ont été apportées à l'appui de cette estimation, en particulier même des preuves statistiques sur le niveau de langage, sur la récurrence de certains mots, etc. et qui place même de manière assez précise, hein, autour de 750, 755 avant Jésus-Christ, la période à laquelle le texte a été fixé. Mais il est évident que les événements qui sont relatés, hein, si tant est qu'on puisse parler d'événements, mais ça, on y reviendra, sont bien plus anciens. Hein, et les anciens eux-mêmes dataient la guerre. Il y a énormément de datations qui ont été proposées par des auteurs de l'Antiquité. Et toutes s'accordent à placer le siège de Troie entre 1260 et 1150 avant Jésus-Christ. C'est très précis pour de l'archéologie. En tout cas, sur 5 siècles, nous voici avec une histoire qui date de l'âge du bronze et qui est rédigée durant l'âge du fer. Comment un texte peut-il passer de génération en génération par simple tradition orale ? Alors ça fait partie des grandes énigmes finalement du texte, c'est-à-dire de savoir d'où il vient, à quel horizon de temps est-ce qu'on peut remonter dans l'analyse. Il y a un certain nombre de passages qui montrent que les aèdes grecs pouvaient se transmettre de manière extrêmement fidèle des énumérations très très longues. Par exemple, il y a à la fin du deuxième chant un passage célèbre, le catalogue des vaisseaux, qui est un véritable morceau de bravoure dans lequel le récitant, l'aède finalement, donne le détail du contingent, du corps expéditionnaire grec, cité par cité. Il donne le nom des officiers, le nombre de bateaux, et il récite comme ça, il donne un nombre absolument stupéfiant, un nombre de villes absolument stupéfiant. Il énumère ça de manière automatique, et on est certain que cette liste provient de l'âge du bronze, pour la bonne raison que un certain nombre de, la plupart d'ailleurs, même des lieux qui sont mentionnés par Homère dans le texte, ont disparu à l'époque d'Homère. C'est-à-dire que ce ne sont plus que des tas de cailloux. Et donc, les homéristes, les gens qui travaillent sur le texte, ont la certitude que ce texte-là est un morceau de l'âge du bronze qui nous est parvenu grâce à la littérature orale et grâce à sa transmission. Laède, c'est une sorte de barde, pourrait-on dire. Curieusement, cette tradition perdure dans les Balkans encore de nos jours ? Alors encore de nos jours, de moins en moins, hein, mais ça, c'est un travail qui a été mené dans les années 20 et 30 par Albert Lord et Milman Perry. C'est une histoire qui est connue, qui est célèbre, pour explorer en quelque sorte, et même pour démontrer le caractère oral de la tradition, hein, le fait que que l'Iliade, que l'Odyssée, que ces textes-là se sont aussi transmis oralement sur de très longues périodes. Donc Milman Perry, qui était un jeune Américain, et son étudiant Albert Lord sont venus... sont allés dans les Balkans et ont fait des enregistrements, des heures et des heures d'enregistrement de ce qu'on appelle les gouslari, qui sont les bardes qu'on trouve au Monténégro, en Serbie, en Croatie, au Kosovo, etc. Et qui ont une tradition épique, qui ont des poèmes épiques comme ça qu'ils récitent. C'est un mélange évidemment de comme les aèdes grecs, un mélange de récitation, d'improvisation. C'est une performance qu'on fait en public dans une forme rigide, accompagnée d'un instrument, hein, la gousla, qui est une sorte d'instrument à une corde frottée, assez rudimentaire. Et dans cette poésie orale, dans cette tradition orale des Balkans, Lord et Perry ont identifié ce qu'on appelle des éléments des formulations, ce qu'on appelle la poésie formulaire, avec ces ritournelles qui reviennent et qui sont en fait qui ont une fonction extrêmement précise, qui est de mettre le récitant dans un mode automatique pendant un petit laps de temps qui va permettre à son cerveau de se projeter dans la suite du texte, dans la suite de l'histoire, de pouvoir continuer son improvisation. Alors par exemple, tout le monde connaît l'aurore aux doigts de rose, Achille aux pieds rapides. Toutes ces formules toutes faites qui reviennent tout au long du texte sont en réalité une technique de récitation qu'on retrouve donc dans les Balkans. Et ces gouslari, justement, évoquent bien sûr des batailles, celles du Kosovo, voire même des raptes de jeunes femmes. Oui, alors effectivement, il y a des... Absolument, oui. Il y a de là. Un des grands thèmes qui est chanté par ces bardes, bon, qui ont quand même globalement, avec le nivellement culturel, disparu. Il n'y a plus dans les cafés du Monténégro ou du Kosovo, ces bardes, ces gouslari qui viennent comme ça raconter une histoire issue de la tradition des Balkans, c'est un petit peu fini. Mais dans les années 20 et dans les années 30, on avait encore ce genre de choses. Donc un des thèmes qui revient très fréquemment dans cette tradition orale, c'est la bataille du Champ des Merles, 1389, le sultan Mourad qui s'affronte aux Serbes, et cette bataille absolument épique qui est encore aujourd'hui célébré comme un moment absolument fondateur, hein, de l'histoire de cette région, eh bien est un des thèmes les plus chantés par ces gouslari des Balkans. Et donc on voit qu'il y a des parallèles, hein, qui peuvent commencer à être faits entre la tradition orale de cette région et la tradition orale qui a été portée par les aèdes grecs, avec des grandes batailles qui sont des événements fondateurs d'une région, d'une culture. Stéphane Foucard, qu'est-ce que pour vous l'Iliade, un texte qui est probablement l'assemblage de bonnes histoires, un peu à l'exemple des rois baïbars du Proche-Orient médiéval ? Alors indéniablement, les homéristes aiment bien comme ça effeuiller le texte. Le texte est composé de plusieurs strates, hein, qui chacune porte la mémoire d'une période. Alors le texte est bien évidemment fixé à l'âge du fer, comme vous le disiez, mais les armes qui sont décrites sont essentiellement des armes de bronze. Donc il y a là la mémoire du métal qu'on utilisait au XIIIe ou XIVe siècle avant Jésus-Christ pour forger des boucliers, des épées, l'épée, ce genre de choses. Mais il y a aussi, dans l'Iliade, quelque chose qui intéresse les hellénistes, ceux qui travaillent sur la période ultérieure. Il y a aussi dans l'Iliade toute une réflexion. Alors là, ça n'a rien à voir avec l'événement en soi de la guerre de Troie, mais il y a toute une réflexion qui naît sur le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir ? Est-ce qu'Agamemnon est vraiment le chef de cette coalition de rois ? Qui prend les bonnes décisions ? Est-ce que c'est l'assemblée des chefs coalisée par Agamemnon ou Agamemnon lui-même qui parfois prend des décisions absolument catastrophiques, qui est cupide, enfin qui a toute une comme ça, qui a toute une variété de défauts qui sont propres souvent aux dirigeants. Bref, il y a dans l'Iliade, il n'y a pas seulement des références finalement à l'âge du bronze, mais il y a aussi des références interne à l'âge du fer et à cette période durant laquelle les Grecs vont inventer une nouvelle façon d'organiser la politique. Ils vont inventer la cité, en quelque sorte. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Le talent d'Homère a été de retranscrire de manière poétique une tradition orale, une sorte de révolution, d'une certaine manière. Une révolution, je ne sais pas. Mais en tout cas, un grand succès. Un grand succès, indéniablement. Il faut savoir quand même que, enfin, on n'y pense pas, mais c'est imaginer une histoire écrite fixée il y a 2800 ans et qui donne toujours lieu en 2004 à des super productions hollywoodiennes. Il faut vraiment que cette histoire nous touche, nous marque. Quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une affinité extrêmement forte entre ce qui est raconté et notre culture. En tout cas, depuis longtemps, il y a des textes qui ont disparu. Certains, par chance, autres textes ont survécu. Il y a par exemple l'éphéméride de la guerre de Troie, rédigé par Dictys de Crète, un élément fondamental. Alors ça, c'est une histoire extraordinaire. C'est jusqu'au 17e siècle, on pense avoir un texte, donc cette fameuse l'éphéméride de la guerre de Troie, un texte écrit de la main même d'un combattant, d'un protagoniste du conflit. Donc ce fameux Dictys de Crète, jusqu'à ce qu'on se rende compte, bien évidemment, que c'est une farce antique, c'est une pure fabrication. C'est un vrai antique, mais faux. Écrit par des Romains. Voilà, exactement, écrit par des Romains. Écrit par des Romains, le texte en lui-même est précédé d'un prologue qui raconte les circonstances de la découverte du texte et de sa traduction. Et c'est un certain Lucius Septimus, qui est un parfait inconnu, qui écrit une lettre à Quintus Aradius Rufinus, qui peut être un préfet de la ville de Rome au 4e siècle de notre ère, et qui lui dit « Bon, j'ai trouvé ce texte en grec qui raconte de l'intérieur le récit de la guerre de Troie, et j'ai décidé de le mettre en latin par amour de la vérité historique. » En tout cas, les Grecs écrivaient, ils écrivaient en linéaire B. Est-ce que des textes, par exemple, sur argile, nous sont parvenus et retracent ou donnent même des noms de protagonistes de l'Iliade ? Alors, le fameux texte de Dictys de Crète, l'éphéméride de la guerre de Troie, si on en croit son prologue, son préambule, a été écrit par le fameux Dictys, qui n'a jamais existé, donc, en caractère phénicien. Or, on sait que au 12e, 13e, 14e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs n'utilisent pas les caractères phéniciens pour écrire leur langue, caractères phéniciens qui vont être ensuite adaptés dans l'alphabet grec, mais qu'ils utilisent autre chose, un autre système d'écriture. Et la découverte de ce système d'écriture est une histoire assez admirable, et elle remonte au tout début du 20e siècle avec des fouilles qui sont menées en Crète par Arthur Evans. Et Arthur Evans, en 1900, tombe sur, grosso modo, trois systèmes d'écriture, hiéroglyphique crétois, linéaire A et ce qu'il va appeler linéaire B. Et pendant toute la première moitié du XXe siècle, il va y avoir une sorte de compétition pour savoir quelle langue écrivent ces fameux systèmes d'écriture. Et alors, peu à peu, on va en trouver, mais uniquement écrit en linéaire B, on va trouver des tablettes d'argile inscrites de linéaire B en Grèce continentale. Et là va s'engager donc des travaux d'un certain Michael Ventris, architecte, pas du tout helléniste, qui va réussir à démontrer de manière extrêmement convaincante que ce linéaire B, cette écriture qui n'a rien à voir l'alphabet phénicien, cette écriture n'a d'autre but que d'écrire du grec. Et ça, c'est quand même, à l'époque, une révolution incroyable. Le grec est totalement assimilé à l'écriture phénicienne, et pour la plupart des épigraphistes et des archéologues, le linéaire B, le linéaire A et le hiéroglyphique crétois écrivent tout autre chose que de la langue grecque. Et cette découverte, finalement, a véritablement frappé, en 1952, un peu, Michael Ventris qui annonce ce décryptage du linéaire B, cette découverte va littéralement donner 500 ans de plus à l'histoire grecque. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons en direct avec Stéphane Foucard, journaliste scientifique au Monde, sa dernière enquête autour de la guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? Une enquête archéologique, épigraphique et qui touche un de nos mythes fondateurs de l'Occident, l'Iliade, bien sûr, d'Homère. Il nous faut aller sur le terrain retrouver Troie. Ce sera l'œuvre de Schliemann à partir de 1870. Un chercheur le disait récemment dans le Salon Noir, Schliemann a fouillé Homère dans une main, la pioche dans l'autre. Oui, c'est exactement ça. C'était vraiment, pour Schliemann, l'idée d'aller retrouver sur place les lieux chantés par Homère. Alors, avec quand même un certain succès, puisque c'est effectivement lui, aidé d'un diplomate britannique, Frank Calvert, qui découvre Hisarlik, hein, le site qui est aujourd'hui accepté comme étant celui de l'antique Troie. Et à l'époque, ce qui est amusant, et ça nous dit quelque chose sur la mémoire longue des lieux, en quelque sorte, il a le choix entre deux sites. Il y a le site de Bounarbashi et celui d'Hisarlik, deux tels, distants de quelques kilomètres. Les deux sont tout près du détroit des Dardanelles, dont il est fréquemment question dans l'Iliade. Et en partie à cause du nom d'Hisarlik, Schliemann va porter son dévolu sur cette zone-là. Et pourquoi Hisarlik, en turc, signifie forteresse ? Ce qui veut dire que quelque part, il y a quand même eu, au-delà des peuplements, à travers les siècles, la transmission d'une mémoire de ce lieu qui s'est appelé donc la forteresse et qui s'est avéré effectivement être le site de l'antique Troie. On est en 1870, donc il y a quand même un certain temps, quand Schliemann, vraiment, avec, comme le disait votre archéologue, l'Iliade dans une main et la pioche dans l'autre, eh bien, réussit à identifier le site de l'antique Troie. Oui, il cherche la matérialité, la réalité matérielle, bien entendu absente du texte d'Homère. Depuis 20 ans, la mission allemande, et turque d'ailleurs, qui fouille Troie, a fait de très grandes découvertes. Oui, alors une des choses les plus décevantes finalement après la fin des fouilles de Schliemann et puis même leur poursuite par Wilhelm Dorfeld et Karl Blegen dans la première moitié du XXe siècle, une des choses les plus décevantes, c'est qu'on découvre effectivement un grand site fortifié de l'âge du bronze. 30 hectares. Alors au départ, on trouve beaucoup moins. C'est ça qui est décevant, c'est qu'au début, on trouve quelques hectares, l'équivalent de deux stades de football. Hein, c'est vraiment tout petit. Alors c'est puissamment fortifié avec une enceinte importante, des portes qui évidemment rappellent celles décrites par Homère dans l'Iliade, mais le site est minuscule. Et d'ailleurs, Schliemann lui-même le dit. Il dit « j'aurais aimé en présenter un plan mille fois plus grand ». Donc c'est vraiment le lieu est minuscule. En tout cas, les Allemands auraient trouvé une ville basse. Ce que l'on pensait la ville n'était autre que l'acropole. Et puis, il y aurait plus d'un kilomètre de fossé. Voilà, c'est ça la grande découverte de ces travaux conduits par Manfred Korfmann à partir de la fin des années 80. En 88, c'est lui qui reprend les fouilles. Et en 93, ce sont des prospections géophysiques, l'analyse du champ magnétique du sol, qui vont conduire cette équipe à délimiter un fossé défensif qui ceinture toute l'acropole et qui effectivement là nous fait passer à une autre dimension. On n'est plus à quelques hectares mais à une trentaine voire plus, ce qui veut dire que ce qui était pris comme un petit castellet fortifié était en réalité une belle cité de l'âge du bronze. La prise aurait eu lieu en 1200 avant notre ère, voire 1180. Reste à savoir quelle couche des 9 villes superposées a été détruite. Tout le monde aujourd'hui s'accorde pour la ville de 3-7, voire celle de 3-6. Oui, alors ça a été une des grandes... Une sacrée polémique. Ouais, alors, et qui a commencé très tôt, puisque Schliemann lui-même, après ses premières fouilles, avait cru identifier la ville homérique, la couche homérique, couche dans laquelle il avait trouvé un trésor, le fameux trésor de Priam, alors qu'en réalité, la couche correspondante remontait à peu près 1000 ans avant la date présumée de la guerre de Troie. Donc effectivement, aujourd'hui, l'état du consensus, en quelque sorte, c'est de dire on a le choix entre deux villes, 3-6-H, tombées en 1280, mais sans trace de siège, sans trace d'incendie, sans trace d'affrontement. Et 3-7a, qui elle est tombée entre 1180 et 1200 avant Jésus-Christ, où là, effectivement, on a les traces matérielles d'un grand siège avec des incendies, avec des sépultures conduites à la hâte, à l'intérieur même de la ville. Des balles de fronde. Avec des balles de fronde, des pointes de flèches, enfin la panoplie, quoi. La fameuse bataille de Troie fut-elle la seule ? Nous savons par exemple que Troie a fait partie d'une ligne de 22 cités contre l'Empire Hittite. L'Empire Hittite, c'est l'empire majeur de cette Anatolie qui va rivaliser contre l'Égypte de Ramsès II. Oui, les Hittites, l'Empire Hittite, c'est vraiment la grande superpuissance de l'âge du bronze, hein, qui rayonne comme ça à partir de l'Anatolie sur tout le Proche-Orient. Oui, alors on a retrouvé, hein, on a une documentation historique, hein, il n'y a pas que de l'archéologie, il y a aussi de l'épigraphie. On a retrouvé toute une série de documents, hein, à Toussa, la capitale de l'Empire Hittite, hein, qui est à environ 150 km à l'est d'Ankara, et dont dans cette documentation, hein, qui est faite à la fois de traités, de correspondances royales, eh bien on trouve des mentions d'une ville qui s'appelle Wilouza et qui a été, depuis le début du XXe siècle, assimilée de manière maintenant absolument certaine, autant qu'on puisse parler de certitude, hein, pour ce qu'il s'agit de ces questions, mais on pense que cette fameuse Wilouza est en réalité ce que les Grecs devaient appeler Wilios, qui est devenu ensuite Ilios, Ilion, ces trois. Bizarrement ou pas, on découvre dans cette documentation hittite que Wilouza, donc Troie, a été l'enjeu d'affrontements répétés entre les Hittites d'une part et la Grèce continentale, enfin les guerriers qui venaient de Grèce continentale de l'autre. Et que cette ville, pendant 2-3 siècles, a été un enjeu. Et que probablement elle a été la cristallisation d'un enjeu beaucoup plus large et qui concernait toute la façade occidentale de l'Anatolie. Il y aurait même eu un roi qui s'appelait Alexandre ? Oui, et c'est un traité grec, ça. Absolument, c'est un traité qu'on a retrouvé à Toussa et qui c'est un traité de vassalité, hein, dans lequel le fameux Alexandou, hein, qui est donc vraisemblablement un Alexandre et qui est roi de Wilouza, roi de Troie, donc s'accorde avec son suzerain Mouattali II, qui est le roi hittite. Alors c'est un accord d'assistance mutuelle, hein, très classique pour cette période historique. Chose intéressante, c'est que d'une part, comme vous venez de le dire, Alexandou, Alexandre est un nom grec, mais que le prédécesseur d'Alexandou est un certain Koukouni, qui n'est pas du tout un nom grec, mais qui est un nom louvite. Et donc, quelque chose ici nous dit que Troie a pu être, à l'âge du bronze, une cité un petit peu cosmopolite, partagée entre une culture grecque d'une part et une culture louvite, plutôt anatolienne, hittite, de l'autre. Une sorte de ville frontière. Une sorte de ville frontière, exactement. Les sources hittites sont probablement extrêmement riches, peut-être même plus que celles des Grecs, hormis bien sûr Homère. Oui, les sources hittites sont effectivement plus riches. On a beaucoup plus de correspondances diplomatiques, beaucoup plus de traités. On a plus d'informations historiques avec la documentation hittite qu'avec la documentation grecque de cette époque, grecque mycénienne, hein, puisque les tablettes de l'INERB, hein, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais les tablettes de l'INERB sont plutôt des documents administratifs qui donnent parfois des noms homériques. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'âge du bronze, il y avait des Achille, il y avait des Priam, il y avait des Hector, il y avait une population qui portait ces noms-là. Reste que dans cette documentation en linéaire B, ces personnages sont en général associés à des tâches triviales. On a un bouilleur de crue qui s'appelle Achille. Enfin bref, voilà, il y a toute une population qui travaille dans le palais et qui est mentionnée dans ces. Une dernière question très rapide, Stéphane Foucard. Que faut-il trouver aujourd'hui ? Le pendant de l'Iliade, mais du côté hittite ? Alors ça, c'est une découverte extraordinaire faite en 1984 par Calvert Watkins et qui, en 84, trouve une ligne rédigée en hittite qui est toute simple. Quand ils revinrent de Troie, l'escarpé, c'est une ligne qu'on retrouve quasiment à l'identique dans le poème homérique. Ce qui veut dire que, ou ce qui suggère que les Hittites eux-mêmes avaient un poème épique, avaient une tradition orale liée à la guerre de Troie. Stéphane Foucard, je rappelle le titre de votre livre, La guerre de Troie a-t-elle eu lieu à la librairie Vuibert ? La semaine prochaine, nous partirons chez les Celtes avec Jean-Louis Bruno. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar à la technique d'Ophar Guérid, attaché d'émission Catherine Denet.